L'animateur. Le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-toi. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Bon. Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, débat un petit peu chamboulé à cause d'une semaine chamboulée. Normalement, c'était prévu, je crois que c'était la semaine dernière, mais je ne sais plus exactement quand. Donc, voilà, donc on va saluer Esteban qui est sur le site internet www.funradio.fr. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, j'espère que tu as passé quand même une bonne petite semaine tranquille. J'ai passé une bonne petite semaine tranquille. Donc ce soir, donc débat sur la Coupe du Monde de foot qui se déroule à l'heure actuelle. Donc alors, je répète, Esteban, tu m'écoutes? Donc interdit les sandies et tout ça. Hein. Et tout ça, c'est-à-dire sur les personnes que je connais à l'heure actuelle. Donc s'il y a des questions comme ça, hop, c'est pas la peine de les dire. D'accord, je les dis pas. Donc même sur la fameuse personne que je salue et qui m'écoute là. Lydie. La fameuse Lily que j'aime et que j'adore. Et voilà. Donc, on va saluer aussi au standard donc Hervé. Bonsoir à toi, Hervé. Bonsoir, j'ai passé une bonne petite semaine tranquille. C'est Thomas, c'est pas Hervé. Hervé. Non, c'est Hervé. Arrête de commencer à dire n'importe quoi, Pedro. Et donc, pour l'épauler, donc, il y aura Céline. Bonsoir, merci Gérard. Pour le Larsen. Donc, bonsoir à toi, Céline. Il n'y a pas eu de Larsen. Bonsoir, Gérard. Il n'y a pas eu de Larsen, je suis désolé. Donc, voilà. Donc, et puis, bien sûr, j'en avais oublié un. Hein. Et malheureusement, je suis obligé de l'annoncer. Eh ouais. Malgré tout le bordel qu'il est en train de nous faire sur lors des débats. Donc, j'espère que ce soir, il ne va pas le faire parce que je n'ai pas envie de m'énerver parce qu'on m'a demandé de ne pas trop m'énerver. Bonsoir, Gérard. Et donc, on va saluer Pedro. Salut, Gérard. Ça va bien? Et toi? Ça va super. T'as passé un bon week-end? C'est bon, on en a discuté, voilà. D'accord. Et donc, on va commencer par accueillir Djibril César. Allô? Oui. Bonsoir Jean, non pas du tout, c'est Djibril CC. Bon, déjà, pour commencer, t'as un portable... Ah ben non, pas du tout. Je préviens, j'interdis tous les portables. Ah non, j'appelle d'un fixe, donc je suis Djibril CC, et non pas César. Et je préviens d'une chose, j'espère... Attendez. Non, non, il n'y a pas d'attendez. Bon, alors déjà, oui. Tu vas retourner voir Céline au standard, parce que là, t'es en train de jouer au coin avec moi déjà pour commencer. Céline, s'il te plaît. T'as du blanc sous le nez, là. Absolument pas, Gérard. Bon, allez, hop. Alors toi, de toute manière, tu vas pas commencer, d'accord? Très bien. Alors tu retournes voir Céline. Terminé pour toi. Ah, mais... Qu'est-ce qu'il a? Mais terminé. J'ai rien dit. Mais Gérard, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Non. Attends, il va pas commencer à me dire « attendez ». Ou il me dit, attends, je change, d'accord? Il s'excuse. Non, mais ça va le supprimer. Non, mais il va déjà commencer par c'est bon, calmer. Gérard, je l'ai calmé, c'est bon, il est là. Je m'excuse, Gérard. Eh, t'as du monde derrière toi? Ah non, pas du tout. Mais non, mais la belle d'une cabine, c'est pas grave, Gérard. Allez. Ah ouais, non, mais attends, allez, ça, Gérard. Bah, toi, tu sais ce que c'est. Toi, tu sais ce que c'est quand on t'appelle au bureau. Allez, on y va. Par derrière, pour lui, c'était 101.9. Et donc, par derrière, de Lille, 107.3, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe et les auditeurs. Bonsoir. Yuri Djorkanouf. Yuri Djorkanouf, bonsoir. De Liverpool. Non, Livercock. Livercock 119.9, bonsoir tout le monde. Ouais, elle existe, cette ville? Ah, tout à fait, c'est dans le Morbihan. C'est dans le Morbihan, Livercock. Ouais, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Et minuscule pour terminer, de Beaune, 91.5. Oui, allô, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Oh là là là là là. Oh là là. Oui. Mmh. Qui m'a choisi cet auditeur? C'est pas un auditeur, c'est une auditrice, et elle s'appelle Mimi Sucu et pas Mimi Minuscule. Eh oh! Il sait pas lire. Oui, allô? Il sait pas lire, Gérard. Il est pas japonais. Oui, allô, Gérard? D'accord, c'est écrit minuscule. C'est un mec. Mais c'est pas un mec, Gérard, c'est une fille. C'est un mec. Gérard, il sait pas lire. C'est un transsexuel, vas-y, laisse-le. C'est un mec. C'est pas une nana, c'est un mec. Bon, tu vois, qui c'est qui? C'est un mec. Bon, d'accord. Ok, de toute manière... avec ma voix, mais c'est pas de ma faute, hein. Non, mais toi, je crois que ça va aller vite, on va s'amuser avec toi. Mais excuse-moi, Gérard. Allez, je suis vraiment désolé. Bon, hé, tu sais ce que tu vas faire? Oui. Minuscule, là. Oui, allô. Minuscule, là. Oui. Tu vas aller voir Céline. Il m'encule. D'accord. Alors là, je préviens tout de suite. Alors non, là, Pedro, je vais te dire une chose. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Que les gens, on n'a pas encore commencé, que le premier qui commence à dire... Il m'encule, ouais. C'est simple, je vire tout le monde. Gérard, c'est un débat sur le foutre, hein, quand même. Ouais, non, mais c'est pas un débat sur les histoires des... Hein? Allons-y, Gérard, commençons le débat. Un débat sur le foutre. Ouais, c'est patient, un peu. Allez. Alors, je préviens tout de suite que ce soir, j'ai pas envie de trop m'énerver. Tu as bien raison, ouais. Alors, je vous préviens, vous répondez aux questions correctement et c'est tout. Très bien. Claire. Le premier qui me fait une gaffe, il vire. Dehors. D'accord. Ça marche. T'as compris, minuscule, là? Il n'y a aucun problème, Gérard, je suis là. Bon, bah, j'espère pour ton matricule, parce que sinon, tu vas pas rester longtemps, d'accord? Ok, ça marche. Alors, avez-vous regardé la cérémonie d'ouverture? Eh ben, tiens, on va commencer par toi. Eh ben, j'ai pas tout vu de la cérémonie d'ouverture, parce que j'étais au travail, et j'ai réussi à voir le début, mais malheureusement, j'ai pas pu voir le reste, parce qu'il y avait beaucoup de clients en salle. Alors, je peux vous... ouais, bon. Donc, toi, t'as pas pu voir la cérémonie complètement? Non, non, j'ai vu tous les Japonais qui couraient en plein milieu du stade et ça m'a bien fait marrer, mais c'est tout. N'importe quoi. Putain. Enfin, bref. Yuri et Djorkaouf. Djorkaouf, bah écoute, ouais, moi j'ai vu la cérémonie parce que c'était avant le match quand même. J'ai trouvé que c'était bien. Mais il y a un truc qui m'a gêné, c'était, on dit toujours, ouais, les petits enfants en Asie, tout ça, on les fait trop travailler, et je pense que c'était pas forcément nécessaire de les foutre en plus sur un stade pour présenter une cérémonie officielle d'ouverture de Coupe du Monde. Ils ont déjà assez de taf comme ça, quoi. Mais sinon, la cérémonie en elle-même, elle était bien, quoi. Elle était, c'était, bon, ça se tenait, quoi. C'était correct. Voilà. Ok. Par derrière. Oui, bien sûr. Moi, je savais pas qu'il y avait une cérémonie avant, en fait. Je croyais que la cérémonie d'ouverture, c'était le match de la France. Donc, j'ai raté. C'est ballot. Trop nul. Ben, bon, commencez pas, parce que j'ai bien l'impression que j'ai reconnu... Mais attends, c'était vachement tôt dans la journée, quoi. Il y a des gens qui bossent. Hein, c'est ouais, pas... mais justement... Non, mais si je peux me permettre, ils sont franchement contents de pas avoir mis ça à 8h, quoi. À 1h30, il n'y a personne chez soi. Hein. Non, mais ça... Mais attends, il y a des gens qui travaillent, quand même. Hein. Ben ouais, hein. Non, mais ça, je vais vous dire le après. On va laisser répondre Djibril Cesser. Gérard, juste un truc, est-ce que je peux te couper ta gueule? C'est juste pour préciser. S'il te plaît. Oh, excuse-moi. C'est une expression de Lille. C'est juste pour préciser auprès des auditeurs internautes de Fun Radio que j'ai pas de connexion en ce moment, donc ils paniquent pas, j'arrive. Pour l'instant, ça marche pas. Merci, Gérard. S'il n'y a pas d'internet, je sais pas comment on va pouvoir travailler ce soir. Djibril, pour finir. Oui, Djibril CC, hein, et non pas CCR. Donc, moi, Gérard, j'ai regardé, effectivement, la Coupe du Monde. Oh, t'arrêtes un peu de replay. Que j'ai trouvé super sympa. J'ai trouvé que ça partait dans tous les sens. Le feu d'artifice, c'était vraiment splendide. Et c'était vraiment un beau spectacle. Ouais. Voilà, je tenais à le dire. Et puis le match de l'équipe de France, après, comme on le sait tous, c'est dommage d'avoir perdu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, Gérard. Déjà, pour commencer, vous allez vous la taire. Oui. Et vous allez arrêter, parce qu'apparemment... J'ai bien l'impression qu'on veut jouer ce soir avec moi, avec mes nerfs. Alors moi, je vais jouer au football. Non, bien sûr, Tony. Moi, je suis un grand fan de football. Bien sûr, et... Tony. Bien sûr, Lys. Bien sûr, Non. Ah non, mais là, non, je crois presque qu'il y a pas. Mais à chaque fois, vous me le faites. Pedro. Gérard, il est hors de question. Les habituels. Il est hors de question. Qu'est-ce qui se passe? C'est les habituels. On m'avait promis que t'allais les faire passer. Mais quoi, j'ai rien fait. Gérard, calme-toi. Mais non, attends. C'est les habituels, hors dehors, tout le monde. Au revoir. C'est tous les habituels, j'ai reconnu les voix. J'ai reconnu les voix. C'est les habituels. Gérard, ils sont plus là. Bon, je les ai coupés deux secondes. On va dire. Non. Allez hop. Mais c'est les habituels. Ah, c'est les minuit 40. Non, c'est les habituels. Mais non. Ça va être manière, c'est sympa. À chaque débat, manière, regarde-le, il se marre. Alors terminé. Mais Gérard, toutes les stars alcooliques ont des fans. C'est terminé, je ne veux pas des habituels. C'est pas Pedro qui s'occupe. Mais c'est pas moi. C'est lui. De manière, il a été prévenu par un dénommé Stéphane. Il a été prévenu par un dénommé Stéphane. Alors c'est bon, c'est les habituels que, qu'on a. Gérard. Alors j'en veux. Mais prévenu de quoi? Gérard, c'est eux, standard, non, c'est pas Pedro. Mais c'est pas moi, mais arrête de dire qu'à chaque fois c'est moi. Arrêtez de me prendre n'importe qui avec Hervé. Hervé, regarde, l'arrête pas. Hervé, écoute. Pas travaillé, écoute, Gérard. Ça, c'est les habituels. C'est les habituels. C'est pas un habituel, lui. C'est les habituels. Mais ça va pas, Gérard. C'est les habituels. C'est pas écrit pareil, c'est pas des habituels. Non, hé. La fiche, elle est là, d'accord, Esteban. Ouais, mais elle est là. Ça, ça n'a rien à voir. Oh, mais tu l'as déchiré, c'était pas un habituel. C'est qui, ça? Bah, je sais pas, moi. C'est qui? De manière, ça commence, c'est déjà des habituels. Mais non, c'est Gérard. C'est des habituels. Mais attends. Attends, j'écoute, ok, j'ai pas écouté. Mais c'est des habituels, bah, mais rien qu'à. On va les remettre à l'antenne. Gérard, c'est des habituels. C'est moi qui m'en suis occupé, c'est pas des habituels. La première liste, si. Je suis désolé. Je te dis que non. Moi, je te dis que si. Il y avait Djibril. Gérard, on baisse. Je m'en fous qu'on baisse sur le net, mais moi, de toute manière, il est hors de question que je pars sur un débat avec tous les habituels à chaque coup. Mais bravo, Gérard! Et c'est bravo, toutes les semaines. Ouais, ouais, Gérard! C'est un terminé! Un débat sur le foot! Alors, vous pouvez leur dire au revoir, j'en veux d'autres personnes et je repartirai pas. Attends, Gérard, on va les écouter. On les écoute. Allô? Gérard, t'es rouge comme un verre de vin. Allô? Voilà, tiens. Voilà. Déjà, tu dis t'es grosse comme un verre de vin. Qui? Non, mais c'est bon. Laisse terminer. Je n'accepte aucune insulte. Je suis d'accord. Ouais. Bravo, aucune insulte. Ok, bon problème. Je n'accepte aucune insulte. Bon, je rappelle quand même qu'il est que minuit 43 et qu'il faut aller jusqu'à 2h et ça serait bien de prendre les nouveaux. Là déjà, ceux-là sont bons, c'est les habituels, je n'en veux pas. Gérard, tu sais ce que je fais? Avant qu'ils te les passent, moi je filtre non, les non, noms non, et non, tout. Non, je filtre. Je le fais. Non. Et faire le standard. Max va faire le standard. Le fait. Non, parce que là ça m'énerve. Non, mais là il y a un problème. Déjà une, j'en ai marre. Mais c'est pas les quatre habituels. Si, c'est les quatre. Mais non, Gérard. Déjà, hey. Mais attends, il y a Tony, il y a Arnett, il y a Ludo, et il y a l'autre, Leslie. Mais non, t'es parano, Gérard. Mais attends, mais de toute manière, je le sais. On m'avait prévenu que de toute manière, t'allais. Mais quoi? De toute manière, à chaque fois, toi. Toi, non, mais même, lui, à chaque fois, c'est pareil. De toute manière, dès qu'il y a un truc, un plan foireux, ça vient de sa part. Et de toute manière, tous les sons maintenant, je sais d'où qu'ils viennent. Ça vient de toi. Okay. Ivrogne. Ivrogne. On va t'en foutre une. Ça suffit parce que sinon moi j'arrête tout là. Oh non, Gérard, merde. Calme-toi. D'accord. On va reprendre les choses calmement, Gérard. Non mais attends. Maintenant faut peut-être avoir du respect envers les gens, ok? Voilà, je suis d'accord. Bah voilà, t'es mieux placé pour parler. Ça que tu respectes. Hein. Terminé pour cela. Voilà. Déchire, Gérard. Fermé, oui. Ah pardon. Je vais te filer un coup de main. Oh, je suis encore assez grand de m'occuper de mes papiers moi-même. Mais tu reprends le dessus, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Non, bah, on va mettre un disque et on va... Bah non, on vient de commencer, non, Gérard. Non. Attends, Pedro, tu la fermes, d'accord? C'est pas toi qui commence. Pedro, ta gueule. Ouais, c'est ça. Donc, comment on fait, alors? Non, il y a un disque et c'est tout. Ah, tu peux peut-être donner des scores de foot. Attends, on a des scores de foot. Ça arrive. Je vais voir avec eux. Non, mais moi, il est hors de... Bah, sont les donc vous pouvez nous appeler au 0825 08 5000 et pour les belles au 0033 05 08 5000. Et sur le chat pour l'instant apparemment vous pouvez pas nous avoir. Si ça commence à marcher là. Problème, bah, apparemment on le dirait pas. Hein. Alors, comment ça se fait? Bah ça je le vois donc apparemment il y a rien du tout. Enfin on a quand même le nombre de connectés. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Gérard, on a quand même le nombre de connectés pour l'instant. Au départ, ils sont 4516. Non, mais attends. De toute manière, comment tu peux savoir le nombre de connectés? Par email. Parce qu'il y a le nombre. Le nombre de participants. Ça n'a rien à voir avec l'écran que t'as là-bas. Mais même. De manière, c'est le même, d'accord? Mais non, Gérard. Gérard. Comme ça, les fauteuils encore. Gérard vient de tomber sans le faire exprès. Il s'est pris les pieds dans sa moustache. Il est tombé. Comment tu peux savoir? Il est tombé comme une merde. Non. Comment tu peux savoir un chiffre avec un écran qui fonctionne pas? Parce que il y a des connecteurs. Non, il est hors de question. Allez, hop. De manière, je sens que. Un petit doigt dans le cul. Oh, c'est bon, Pedro. Allez, j'arrête. J'ai rien fait. Gérard. Non, mais attends. Mais j'ai rien Gérard fait. Revient parmi les tiens. Pour Lily. Mais j'ai rien fait, Gérard. Pedro, il s'en est. Mais j'ai rien. Mais t'es, il est vexé. Il est fier comme un Polonais. Il est parce qu'il est tombé. C'est lui. Mais c'est pas moi. Il est. Non, je te jure, je l'ai pas poussé. C'était une belle chute. Non, non, mais il est tombé tout seul. Il s'est pris les pieds dans son, dans ses dents pourries. Ah bah, il est tombé. Attendez, il est en train de gueuler à côté. Il est tombé comme une nerf. En fait, on vous explique. Il s'est rapproché de moi apparemment pour me mettre un caco dans la gueule. Et il s'est pris les pieds dans son. J'ai rien fait, Gérard. Chaise. Allez, Gérard, assis-toi. Dehors. Assis-toi, Gérard. Dehors. Mais Gérard. Et rappelle, Lily, on va essayer de la rappeler vers une heure, là. Ah putain. Mais Gérard, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux qu'on rappelle Lily? Tout de suite, même. Rappelle le débat entièrement. Donc Gérard, on s'énerve pas, mais il y a effectivement 4000. Rien du tout. Mais c'est pas, tu confonds. Il y a rien du tout. L'écran est vide. Sur l'écran, même écran. Mais sur funradio.fr, sur funradio.fr, il y a quand même des gens qui écoutent le débat par internet. Moi, ça va aller vite. Moi, ça va être simple, clair, net et précis. Moi, dire, je sens qu'à force qu'on joue comme ça. Eh ben, je vais tous vous laisser tomber. Eh ben vous voilà. Ouais, mais tu vas laisser tomber. Ouais. Qu'est-ce que tu vas devenir, Lily? Elle va te laisser tomber. Ah, ouais, ouais. Elle va te laisser tomber. Ouais. Chut, chut. Calme. Ouais. Attention. C'est quand même lui qui nous paye. Hein. Bah oui. Ouais, c'est moi qui vous paye. C'est moi qui vous fais de l'audience, malheureusement. Voilà. Ouais, exactement. Ah. Bravo. Hein. Heureusement qu'il y a Gérard. Hein. Bon, alors on va voir qui c'est maintenant, les nouveaux. Franck Le Steak. 101.9 de Clairefontaine. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ça me fait bien. Après, on va essayer d'appeler Lily là. Hein. Oui, quoi Oui, Wiki Gonzalez. Non, c'est Kiki Gonzalez. Bonsoir Gérard. 102.5 de Mélion. De Lyon. Ah, de Lyon, oui. Bien sûr. Gérard, continue, non. Parle, t'es animateur, vas-y, parle. Attends, je peux bah parler. Bah non, mais en tête, ça le fait pas, Gérard. Alors, quand on met Mélion, on met pas. On met les fréquences normales. Flambie, je sais pas quoi. Flambie Flamand, oui, bonsoir. Annecy, 114.8. Exact, oui, bonsoir. Et Marcel Prosaille. Bonsoir, c'est Marcel Prosaille. Birmingham, 118.8. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Et hey, Lily, alors attends, je préviens quand même, Lily sera là dans 10 minutes parce qu'elle était un peu occupée là. Ok. Ah ouais. Ça, c'est mes problèmes, c'est pas les. Non, mais je te le dis. Ouais, mais c'est mes problèmes, c'est pas les. Ok, autres. Fais ton débat, vas-y. Pose ta question. Hein. Un peu de respect. Il y a Lily qui est en ligne et d'ici 10 minutes, voilà, elle est en ligne avec toi. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Merci d'avoir suivi. C'est pas faux, bois. Comment? Bon, Gérard, vas-y, pose ta alors, question. Attends, ouais, déjà Pedro. Alors, y aller, hein. Attendez. Calmez le jeu. Déjà une jeu. Chose. Ouais, faut calmer. Hey, sérieux. Oh, attendez. Non, mais il l'a regardé méchamment. Attendez, je préfère. Oh, c'est encore moi qui décide. Le débat n'est pas commencé. Je préviens tout de suite la Réa. Que si j'entends un bruit en disant « Ouais, Mister Cousine !» Ça, je préviens tout de suite. Je prends le casque. Ça vient pas de moi. Mais de toute manière, il n'y a pas le standard. Non, non, mais ça, déjà, il faut le retirer. Bah, on l'enlève. Allez, vas-y, on va l'enlever. Non, mais je préfère. Non, parce que... Regarde pas Gérard dans les boulots, quoi. Les trois quarts du temps, le débat foire à cause de lui. Bah ouais. Hein? Et on verra ce soir comment que ça va se passer. Et tu verras, qu'encore ce soir, ça va encore être le bordel. Tu vas voir. Et sur le chat funradio.fr, www.funradio, donc pour l'instant, il n'y a aucun connecté, donc n'ayez pas peur. J'espère que ça va fonctionner rapidement. Voilà. Donc première question, avez-vous regardé la cérémonie d'ouverture? Je reprends la question, vu que tout à l'heure, on avait les habituels. Franck Le Steak. Ouais, Gérard, ben moi, j'ai dû travailler, donc j'ai pas pu regarder. Mais en revanche, j'ai regardé le match qui a précédé l'ouverture. Mais j'ai malheureusement pas vu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Corée-Japon. Mais là, t'as pas vu la cérémonie d'ouverture là, vendredi? Non, j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps. Ah, ok. Kiwi Gonzalez. C'est Kiki. Oui, moi j'ai suivi parce que je suis un grand fan de football, donc j'ai suivi ça, je me suis mis au chômage direct. Je me suis dit que la Coupe du Monde, c'est bien plus important que de travailler. Non, donc, mais de toute manière, il n'y a pas besoin de se mettre au chômage pour regarder une cérémonie d'ouverture, d'accord? Ouais, mais moi personnellement, là je touche le RMI. Donc j'ai regardé, ouais, effectivement, la cérémonie d'ouverture avec les petits Chinois, les petits Coréens, ils m'ont bien fait marrer avec leur drapeau. Mmh. Et ensuite, j'ai suivi le match France-Sénégal. Plan B. Oui, bah moi j'ai trouvé que c'était une cérémonie tout en couleurs, tout en originalité. Et ça m'a fait plaisir de voir quelque chose comme ça à la télévision française. C'est vrai, ça change. Mmh. Ah, c'était beau. Change. Marcel, pour finir. Ouais, bah écoute, bah moi j'ai pris un RTT quand même pour voir cette magnifique cérémonie. Mmh. J'ai bien kiffé pendant une petite heure avant le match et après j'ai moins kiffé quand même. Non mais je te demande, est-ce que t'as suivi... Non, je te demande pas si t'as vu le match parce qu'on va en parler. Mmh. Ah mais j'ai bien kiffé la cérémonie. Heureusement qu'il y avait la cérémonie vendredi quoi. Mmh. Ça a égayé un peu ma journée quand même, tout ce bonheur. Bon. D'accord. Voilà. Non, mais est-ce qu'il faut dire une chose ? Bon, c'est qu'apparemment, tout le monde n'a pas pu la suivre. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a des sociétés. Maintenant, je ne sais pas si parmi vous, à part celui qui est du RMI, là, qui veut jouer les ponchos. Oh. Donc, je ne sais pas, mais il y a certaines sociétés qui ont autorisé. À avoir des télés dans les bureaux, ouais. Dans les bureaux pour regarder. Ouais, j'aimerais aller dans ton sens là, c'est Kiwi Gonzalez. Ouais. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui. Ouais. Non mais là faut bien se dire une chose, que c'est vrai. Bon, moi j'ai pas pu la suivre parce que je peux pas vous dire pourquoi. Comment ça se fait? Pourquoi? Non mais de toute manière je peux pas vous le dire. Vas-y, balance. Ça serait intéressant de le savoir pourquoi. Bah parce que j'ai pas de télé là où je suis, c'est tout. Voilà. Ah, bah, voilà, mais tu pouvais pas aller dans un café où il y a une télé? Non merci. À la radio, t'aurais pu suivre à la radio. Non, parce qu'à la radio, justement, on va en parler. Et ça, c'est ce qui m'a dégoûté vis-à-vis des... Ils n'ont pas voulu te laisser rentrer. Non. Mais il y a un problème qu'il faut se dire. C'est que certaines radios n'ont pas retransmis la cérémonie d'ouverture. Ah. Alors qu'il paraît que... Même à l'heure actuelle... C'était dans le commentaire, c'est ça. Est-ce que toi, tu pourrais pas faire quelque chose auprès de la direction de FUN pour qu'ils retransmettent au moins la cérémonie de clôture à FUN, quand même? Mais ça, de toute manière, c'est pas eux qui décident. Hein, c'est pas... C'est le CSA. Le CSA a dit que, bon, ben, c'était comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au CSA? Non, mais de toute manière, il faut bien vous dire une chose. Il paraît que c'était joli à voir, qu'il y avait tous les drapeaux des organisations, des équipes. Des ONG, ouais. Bon, il y a eu plein de trucs. Il paraît que c'était super à voir. C'est vrai. C'est magnifique. Mais bon, Gérard, le plus important, une Coupe du Monde, c'est pas la cérémonie. Non, donnez vos noms quand vous parlez. C'est Franck Lesteck. Le plus important, c'est pas les cérémonies, hein, d'ouverture et de clôture non plus. Hein. C'est les matchs, quand même. Non, mais attends. D'accord. Pour toi, c'est peut-être pas la cérémonie. Ouais. Mais attends, mais pour ceux qui regardent pour la première fois un match... C'est beau, quand même. Bah, je vais te dire une chose, je suis désolé. Pour moi, je trouve ça sympathique. Ouais, de toute manière, quand ils ont fait la Coupe du Monde, quand on a gagné... même quand c'était les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, il y a eu quand même une cérémonie d'ouverture. Il y avait tous les pays organisateurs. Ce que je vais te demander, toi qui n'as pas vu la cérémonie d'ouverture, t'as préféré celle-là ou par exemple la cérémonie des JO? Les deux, de toute manière, parce que moi j'aime bien, bon, le foot, je peux pas le regarder parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas de télé. Ouais. Mais j'aime bien aussi. Mais t'as aimé les deux, en fait, même si tu l'as pas regardé, t'as aimé les deux, quoi. Ah, bah, de toute manière, les deux, oui. De toute manière, j'aime bien le ski, j'aime bien le foot, mais malheureusement, je peux pas regarder tous les matchs. Mais t'as préféré laquelle? J'ai préféré celle du. Celle du ski. Ah ouais. Celle du ski, ouais. Parce que la clôture, je sais pas si je me trompe, mais je pense que... La Coupe du Monde de ski, ouais. Hervé ou Esteban ou... On s'éloigne. Qu'est-ce qu'il y a? Il essaie de réparer le net. Pourra me dire, je pense que la cérémonie de clôture des Jeux d'Albertville, normalement, ça a été fait en descente en flambeau, si je me trompe pas. Bien sûr, je sais pas, moi j'étais en train de baiser à ce moment-là. Ah. Bien sûr, tu fais comme Evan à chaque fois qu'il passe un ménage, quand il vient. Putain, il dit j'ai baisé juste avant, c'est ça. Le flambeau a même été juste à ce moment-là. Ouais, non, mais... Le flambeau a été récupéré dans le cul d'un athlète allemand, non? Tu baisses tous les 4 ans, toi, Hervé. Il y a Elfauque. Bon, d'accord. Seven, il a rien compris de. J'étais pas fantaisiste. Hervé, les bisextiles. Non, mais je vous demande. Moi, à mon avis, je pense que c'est la cérémonie de clôture qui était beaucoup plus jolie. des jeux d'Albert Witt qui était le plus joli parce que c'était une descente au flambeau. Et Gérard, si on parle un petit peu du match là où on s'est fait doser quand même. Ah, non, oui, mais ça, mais ça. Non, mais on va y revenir. On parlait de descente au flambeau toute moisie là quand même. Ouais, ça. Mais on va y revenir. Quels sont les deux pays qui organisent la Coupe du Monde 2002? Japon-Corée. Allez hop, c'est géré. Bon, bah voilà donc. Football. Combien d'avions faut-il? Quelle est la monnaie au Japon? Combien ça coûte en euros? Quelle est la devise? La meilleure recette de Japon. Non, mais arrêtez là, s'il vous plaît. Allez. Quand vous aurez terminé de vous foutre de moi, vous me préviendrez. Non, mais ça va pas. Ouais, donc la deuxième. Et on se met au volant. Allez. On t'attend, hein? Oui, Gérard. Quand tu veux, hein. Alors, combien y a-t-il d'équipes? Oh putain, ouais. J'ai envie de câlin. Ah, ça faisait longtemps, bon. Il marquait pas. Ah bah alors. Alors, je sens. J'ai envie de câlin. Gérard, Franck Le Steak, je crois que je peux répondre. S'il te plaît. Je peux répondre à ta question. Il doit donc y avoir une soixantaine d'équipes en compétition pour la Coupe du Monde. Je sens que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Je vais m'énerver. Non, pas le genre. C'est pas ton genre. Je vais encore m'énerver parce que j'ai envie de câlin. J'en ai plein le dos. Ouais, parlons au football là. Il tirait pas. Il marquait des pénaux dans ma lucarne. Il arrêtait les coups francs avec ses chicots. Avec son chicot. Bon, on y va. Tu peux recentrer le débat sur le foot. Quand celui. Il se plantait les bottes dans le corner dans le cul. Oui, super geste technique de Gérard, passement de jambes de bois, c'est super, c'est magnifique. Oh oui, extérieur du kiss, c'est magnifique. Gérard, il faut que tu gères là, il faut que tu leur dises. Hein. Baise-moi, Gérard. Jouiez pas. Rosigno, Gocho, qui sont. Bon, Gérard, les auditeurs, calmez-vous, Gérard, on va reprendre le débat. On en était où? Il marquait pas. Bon, Gérard. Bon, Gérard, je sens qu'il est une heure. On va les couper deux secondes, hein. Voilà, donc Gérard, on va recentrer le débat, on y va. Non, mais il sent pas bon qu'il ait une heure, tu vois, donc... Je sens qu'il est une heure. Mon Dieu, déjà. Et que là, ça commence... Ça fait déjà une demi-heure que ça commence à me gonfler. C'est parce que t'es tombé de ta chaise. Déjà, il y en a... Déjà, il y en a qui sont foutus de ma gueule. Oh, c'est pas là, ça recommence. Mais il y a Lily qui est là en plus. Je sens que le débat n'ira pas jusqu'à 2 heures. Ça va aller vite. Non, il ira jusqu'à 3 heures même. Non. Ça, il est hors de question que j'aille jusqu'à 3h du matin. Bon, Gérard, on va recentrer le débat, on va reposer une question, on va écouter un disque juste après, donc tu vas reposer la question, on va les reprendre, d'accord? Gérard, je pense qu'il s'est fait mal tout à l'heure à son testicule droit. Il s'est fait mal Gérard. À son testicule droit tout à l'heure avec le commandement de la chaise. Non, parce que t'es vraiment tombé très mal, quoi. T'es tombé comme une merde. Mais c'est pas grave. Gérard, on y va, on attaque le débat. Mets un disque, Gérard. Mais non, mais Gérard. Ça commence à bien faire. Mais Gérard. Pose ta question, on y retourne. Maintenant, s'ils veulent pas répondre aux questions, ils aillent se faire voir. Ok, bon, Gérard. Combien y a-t-il d'équipes pour la Coupe du Monde 2002? J'aimerais répondre, c'est Kiki. Non. C'est Franck, Gérard. Allô, Gérard? Il me semble qu'on a dit on mettait un disque. Ah, d'accord. On met un disque, tu veux écouter un disque? Allez, question, les bleus, on est tous ensemble. Montre-moi ton billet. Gérard, entre le débat, Gérard. Laisse ça commence à bien faire. Gérard, il y a Lily qui est sur l'antenne. Oui, il y a Lily qui est là, c'est pour ça. Vous me direz, Franck, terminé. Allez hop, au hasard. Attends, alors on va les faire patienter, on va laisser que Lily. On va laisser que Lily et on va mettre les autres en attente. Il pose la question, il n'y a pas besoin d'avoir les auditeurs en air pour poser la question. Ah, mais je sais, mais il veut Lily. Donc je lui dis. Combien y a-t-il d'équipes pour la Coupe du Monde 2002, terminé. Et tu veux qu'on écoute un disque, là? Et on va écouter, allez, les Bleus, des Schtroumpfs. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train, là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. N'essayez pas de nous joindre sur le site www.funradio.fr parce que pour l'instant on a des petits problèmes, donc c'est malheureux. Donc je serai pas les sondages en fin de débat. Et donc on venait de s'écouter Allez les Bleus des Schtroumpfs. Et donc on avait David Trégos. Bonsoir Gérard, c'est David Trezegos Gol. J'appelle de Yokohama. Ok, donc 101.3. À partir de là, c'est ça. Donc, Kiwi. Oui, j'ai toujours là, bonsoir. Bonsoir. Flambi Flamand, bonsoir. Flambi Flamand. Flambi, oui. Et Starlet. Starlet. Ah, je crois qu'elle a coupé, Gérard. Oui, il y a eu un bip en antenne, alors... Starlet a coupé sur la 7. Ouais, c'est dommage. Ah, on aurait bien aimé... Sur la 7, c'est Lily, Gérard. Non, c'est Starlet. Mais non, c'est Lily. C'est Lily, Lily, t'es là? Mais non, remets-la en air. Merci. Lily? Allô, Lily? Elle est plus là. Allô, chérie? Elle a raccroché, d'accord. On va la rappeler. Celui qui commence à lui dire allô, chérie, tu te calmes avec elle, d'accord, Kiwi? D'accord. Merci pour merci d'avance. Je t'en prie. Donc, la question... Pensez-vous que la France va gagner cette année? Ah, ben voilà. Alors, Kiwi? Oui. Kiwi, j'aimerais répondre à la question. Ben, moi, j'étais devant le match France-Sénégal. Je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu, non? Ben, je vais te raconter si tu l'as pas vu. Mais non, mais je l'ai pas vu, mais je sais le score. Donc, c'est pas la peine de me le raconter. Donc, en fait, on s'est fait doser. Donc, mais c'est pas la peine de me le raconter, je te dis. On sait le score. On s'est fait avoir. On s'est pris un but, un but, et c'est tout. Par Papa Bouba Diop. Donc, Mais oui, mais on s'est pris un but. Il faut bien vous dire une chose. Que les joueurs qui sont, qu'on jouait contre nous sont, la plupart du temps, dans des clubs de D1. Ouais, en plus, ils étaient surmotivés. Ils jouaient contre l'équipe championne du monde. Ah oui. Donc c'est vrai que sur l'action, on se fait déborder par El Hadji Diouf, il y a le bœuf qui est à 10 mètres. Faut pas dire ça. Attendez, on a fait quand même un bon match. Commencez pas à dire qu'on a mal joué. Bon, malheureusement. Attendez. Moi, je peux vous dire une chose. Vous dites tout le monde, on a mal joué. Pourquoi? Mais vous savez pourquoi qu'on a mal joué? Non. Moi, je vais vous le dire. Parce qu'il nous en manquait un, c'était Zidane. Et c'est mais tout. Non. Mais si, mais tout le monde croit que Zidane est irremplaçable. Il manquait 42. C'est parce que Fadiga lui a volé son bracelet dans le vestiaire. C'est quoi ce bracelet? Parce qu'il y a une histoire, il y a un joueur sénégalais qui a tapé un collier en roro. Non, mais ça y est, mais c'est bon. À 240 euros avec un salaire de footballeur. Il a manqué Céline, sa on en est où avec Starlet? Elle est là, Starlet. Oui, allô. Starlet, t'es là? Oui, je suis là. Ok. Mais c'est quoi cette ventilation là? Parce que tu peux. C'est ton haleine qui rebute sur le micro, Gérard. Mais je préviens d'une chose. Il se lavait pas. Voilà, ça commence. Bon, Gérard, vas-y. C'est bien d'entendre des conneries comme ça devant du monde. C'est bien, Gérard. C'est pas mal. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est toi le chef du débat, donc vas-y. Ouais, non, mais dans ces cas-là, celui qui s'amuse à ça, carrément. Allez, on y va, on enchaîne, Gérard. David. Ouais, c'est David. Bah écoute, à partir de là, on a perdu. L'équipe de France a perdu. Et je pense pas qu'on ait de chance de gagner la Coupe du Monde, peut-être de passer le premier tour. Mais à partir de là, après, il y a des grosses équipes comme l'Argentine et l'Italie. À partir de là, on pourra pas gagner, on n'est pas prêt. Comment ça, il y a l'Argentine et l'Italie, mais elle joue pas dans notre groupe. Hein. À partir des demi-finales et des quarts de finale... Non, mais ça, on en reparlera. C'est pour ça que je dis qu'on passera peut-être le premier tour. Attends. On sait pas si on va passer encore le premier tour. Peut-être, parce que l'Uruguay... avec des joueurs comme Recoba, ils peuvent gagner, attention. Non, mais faut pas croire. Hein. Flavie. Flambi. Ouais, Flambi. pourquoi qu'on m'a mis Flani? Non, qui c'est qui s'amuse à me balancer de l'air, là? Flambi, t'as une étiquette sur les fesses, ben, j'ai du chocolat. Pour démouler, c'est plus rigolo. Voilà. Pour te dire, non, je crois que la France, elle a aucune chance. Hein. Mais avec ou sans Zidane, la France n'a aucune chance. Donc, autant qu'elle s'arrête maintenant, quoi, voilà. Non, donc, attends, on va... Ok, Starlet, pour finir. Il a prêté sa jambe de bras, Zidane. Oui, Germain, moi, j'ai pas écouté la question. Non, mais, s'il te plaît, Pedro, je voudrais bien savoir... Qui s'amuse à dire il a prêté sa jambe de bois, d'accord? Parce que là, ça commence à m'énerver. C'est pas lui, regarde, il était pas là. C'est... Je regardais même pas, Gérard. Parce que là, ça commence à m'énerver. Je demande à Starlet de me répondre à la question. Elle a pas entendu. Il mangeait son caca. Voilà, et ça continue. Bah, mais on regarde. Non, mais t'entends rien dans le casque. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je l'entende, Gérard. C'est que c'est pas moi qui les ai eu au standard. Eh punaise, mais ça commence à m'énerver, ça, encore. Hein. Allez, Gérard, continue. Starlet, pour finir. Repose-moi la question, s'il te plaît. Alors, pensez-vous que la France oui. va gagner cette année? Ben écoute, pour te répondre sincèrement, je pense pas que la France puisse avoir une seconde chance au mondial. Je pense qu'elle va bien, bien se manger le mondial, quoi. Je pense qu'elle gagnera pas, quoi, en conclusion. C'est mal parti, hein. De toute manière, attendez, maintenant je vais vous répondre. Maintenant, ce qu'il y a, le problème qui se passe, et ça je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, ah oui, sûrement. C'est qu'il nous manque, c'est que le premier match amical, ouais. comme par hasard, Zidane se blesse à la jambe. Comme par hasard. Mais à mon avis, et... tu sais quoi, Gérard? Oui. À mon avis, il y a eu du vaudou. Donnez vos noms quand vous parlez. C'est Kiki Gonzalez. À mon avis, il y a eu du vaudou, tu vois, du sacrifice de poulet, ouais, des gris-gris. Tout non, ça non. pour que Zizou, il se blesse à la cuisse et qu'il joue pas le premier match. Non, résultat, mais... il y a un but de Papa Bouba Diop. De manière, pour vous dire une chose, que tous ceux qui ont joué contre nous là au Sénégal, c'est des joueurs c'est des joueurs qui jouaient en D1. Ouais, c'est vrai qu'ils ont la plus haut niveau. J'ai regardé l'équipe du Sénégal et je peux vous dire une chose, que les trois quarts des joueurs sont de Marseille, de Lille, de Lens, de Montpellier, de Cannes, d'Auxerre, de tout, ouais. tout ce que vous voulez. Merci. Hey, Esteban, tu te recules jusqu'au bout là-bas maintenant, c'est terminé. Allez, dans le coin, les mains sur la tête. Allez, avec ton bonnet d'âne. Tu feras moins le cher. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je peux. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de me souffler dans la. C'est pas la première fois que tu te prends un vent. Arrête. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et de toute manière, il faut bien vous dire une chose. C'est malheureux à dire, mais si. Parce que là, on a perdu 1-0, je peux vous donner les scores. Justement, la deuxième équipe qu'on va rencontrer, c'est l'Uruguay. Ouais. Donc, contre le Danemark. Donc, ils ont déjà perdu. L'Uruguay a perdu 2-1 contre le Danemark. Ouais, mais c'est l'Uruguay, c'est à côté du Brésil. Ouais, à mon avis, oui. on va aller doser les chicanos, là. Non, parce que attendez. Parce que moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Tout le monde me dit, ouais, mais les Sénégalais, on va les manger. Mais en fin de compte, on s'est fait manger. Pourquoi? Parce qu'on joue avec le bœuf. Non, on joue à 10. Non, mais ce qui s'est passé. Oui, attendez, je vous réponds. Oui, Hervé. Oui, j'ai eu une réaction standard. On m'a dit que quand tu as dit les Sénégalais nous ont mangé, quelqu'un a trouvé ça un peu sectaire de les traiter de cannibales. Non, mais attends. Non, mais faut bien se dire une chose. Excuse-toi, Gérard, excuse-toi. Non, mais c'est vrai. Excuse-toi. Laissez-moi. On n'a pas le droit de traiter les gens de cannibales. Mais j'ai jamais dit ça. Attendez, j'ai simplement dit qu'on allait les manger. C'est de l'anthropomorphisme. Mais non, mais en fin de compte, c'est nous qui se sont fait manger. Et l'Uruguay, de manière, faut bien se dire une chose. Oui. C'est que tout le monde dit, oui, parce que ça, j'écoute constamment les trucs sur le foot, et je peux vous dire une chose, qu'à chaque fois qu'on dit, oui, mais parce qu'il n'y avait pas Zidane, Mais Zidane, on peut le remplacer. Il n'est pas tout seul, Zidane, sur le terrain, ils sont 11. Ils sont 11. Donc, voilà, et donc on a perdu. Il a deux pieds gauches, donc c'est un peu dur, quoi. Non, mais attends, faut voir d'après ce que j'ai entendu dire, on a eu une barre, un tiers sur le poteau, côté gauche. Ça, après, un tiers sur la transversale. Donc, faut bien dire une chose, que Zidane, même s'il n'est pas là, qu'il soit blessé, on peut le remplacer, d'accord? C'est vraiment la faute à pas de cul, ça. Non, c'est de la faute à pas de chance, s'il te plaît, merci. Qu'est-ce que tu penses du joueur, justement, sénégalais qui est sorti du match en disant « Iniega Agouaz » Je l'ai pas vu le match. C'est inadmissible de dire des choses pareilles. Exactement, non mais les auditeurs réagissent, c'est quoi ta réaction? C'est dégueulasse. Mais je sais pas, j'ai pas... De toute manière, il paraît que... Il a même rajouté « Iniega Agouaz ». J'en sais rien. Ouais. Là, tu vois, ça c'est quand même une insulte pour le foot français. Mais non, mais même, c'est pas parce qu'on a perdu contre eux. En fin de compte, tout le monde dit que c'était un beau match. Moi, je ne l'ai pas vu. Oui, mais c'était pas un très bon exemple de fair play, tout ça. C'est qui parle, là? C'est Flamby. Et Starlette, Oui. Tu peux réagir, hein? Ouais, qu'est-ce qu'elle en pense, Starlette? De toute façon, j'attends pas que tu me demandes, je réagis. Non, mais... Tu l'écoutes pas, de toute façon. Mais si, mais... Tu peux réagir, hein, c'est pas parce que tout le monde parle, mais tu peux réagir. Hein. Mais écoute, je réagis, y a aucun souci, genre. Par exemple, Starlette, quel est ton joueur préféré de l'équipe de France? À qui je pose la question? Bah toi, Starlette. Toi, Starlette. Ah, moi, mon préféré, ça reste... Trezeguet, tiens. Trezeguet, t'aimes bien. Ah, Patrice Delà, c'est un bon joueur, chasseur de but. Très physique. Ah, Patrice Delà, c'est un grand joueur. Moi, personnellement, c'est Pires, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Bon, non, bah non. Non, c'est bien Pires aussi, moi. Mais Robert Pires, je crois qu'il a glissé sur une plaque de verglas, donc il peut pas jouer à partir de là. C'est Kiwi. Ah non, c'est Kiwi. Pas Kiwi, c'est non, pas mais Kiwi. C'est pas cool, quoi. C'est pas Kiwi. C'est qui? C'est pas cool. C'est qui vient de dire c'est ça? C'est qui non? C'est qui non? Non, mais c'est l'hiver, la base, pour ça. Non, non, il n'y a pas de qui non. Hein. Non, c'est pas l'hiver au Japon. Hein. Bah, ça caille, en tout cas. Hein. Ah non, non, non, il paraît qu'ils ont... Non, c'est qui vient de dire ça? C'est Starlet? C'est Flamby. Ah, c'est Flamby. En plus, je sais pas si t'es au courant, Gérard, mais là, en deuxième semaine, on va se manger des pluies de ouf. Tu vois, ça va être la mousson. Ah, c'est la mousson, là-bas. Il va y avoir des terrains inondés. Là, ça va être encore plus difficile. Hein. Non, apparemment... Apparemment, je peux vous si vous voulez, je peux vous donner tous les scores qu'ont eu lieu là jusqu'à maintenant. S'il te plaît, avec une petite analyse technique, ce sera bien sympathique. Alors donc Danemark, Uruguay, donc je vous l'ai dit 2-1, donc je sais pas qui c'est qui a marqué. Ah, je peux te le dire moi. Oui. Alors deux buts de Thomasson et un but de une superbe reprise volée pleine lucarne, une putain de cacahuète de. Mais on dit pas putain s'il te plaît parce que. Une maman très très cacahuète d'un joueur uruguayen. Alors, Paraguay-Afrique du Sud, 2-2. Paraguay-Afrique du Sud, ouais. Deux buts d'Indiens et deux buts de Bafana-Bafana. Mmh. Beaucoup de chance, hein. À partir de là, ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais nous avons un spécialiste. Eh oui, Eugène Sacomaliac, c'est moi, bonsoir. Quoi? Zamba... Quoi? C'est quoi, ça? Zimbabwe. Zimbabwe, Kilimandjaro, 4-3. Donc, j'ai les buts de Sodoman, Jamet, Taboulé et Christophe Peck. Espagne, Slovénie, Bill de Salvador Dali et Pedro Almodovar. New York, ouais, New York, Sarcelles, bien sûr. Ça n'a rien à voir dans le truc. Hop, terminé. Brésil, Turquie... 2-1 et Italie Équateur 2-0. Et par contre, merci de me remettre les auditeurs en air. Par contre, le gros carton ah ouais. du début de la Coupe du Monde. Ouais, c'est les cheveux qu'on dosait. C'est l'Allemagne contre les Saoudiens. Ouais. 8-0. Ah ouais, ils ont dosé là les Arabiens saoudiens. Ouais, non, merci Flavie. Mais franchement, ils auraient joué en fauteuil roulant, c'était pareil quoi. Ouais, ça, c'est Starlet derrière qui dit ça. C'est vrai que sur la pelouse, là, les Arabiens saoudiens, ils cherchaient du pétrole. Ouais, non, mais attendez, commencez pas à dire n'importe quoi, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui demandent des excuses par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure contre le Sénégal. T'as rien sur le net, alors? Non. Allez, terminé, Esteban. C'est au téléphone. Arrêtez de me dire. Mais arrêtez de me dire n'importe quoi, parce que vous décrochez même pas les téléphones. Pas de clavier. D'accord? Gérard, il y a ton... Déjà, t'as un trou dans ton oreillette. Ouais, c'est ça, j'ai un trou dans mon oreillette. Toi, tu vas arrêter parce que de toute manière, comme le net, il fonctionne pas, tu vas ailleurs. Mais non, il reçoit des emails sur sa boîte aux lettres et puis il peut avoir des messages comme ça. Il n'y a rien. Bon, allez, Gérard, vas-y, enquille. Donc, deuxième question. À votre avis, y aura-t-il une finale France-Brésil ou pas? Et on se retrouve tout de suite après. Non. Ça fait qu'un quart d'heure, Gérard, qu'on est revenu. Gérard, là, c'est bien, là, faut continuer. Ouais, faut continuer, Gérard, ça fait qu'un quart d'heure. Mais qui c'est qui parle, de toute manière, c'est moi qui commande encore. On est bien lancé, là. Parlons football. Mais non, Gérard, il faut que tu continues, j'essaie de saboter le débat, là, il faut que tu continues. C'est une bonne question que tu allais poser. Ça fait qu'un quart d'heure qu'on est revenu, Gérard, je peux y aller. David. On enquille. Oui, Gérard. Oui, je vous écoute. Bah alors? Tu vas me dire que t'as pas entendu la question. Est-ce qu'il va y avoir une finale France-Brésil? Pensez-vous que, à votre avis, y aura-t-il une finale France-Brésil ou pas? Non, je pense pas, parce qu'à partir de là, c'est l'Italie qui va aller en finale, parce qu'ils ont un groupe très léger, avec des équipes pas très physiques. Doucement là, parce que... Il est étranger. Il y a un problème avec le portable, on dirait. Ah, très bien. À partir de là, c'est l'Italie qui va aller en finale, je crois, contre l'Argentine. Mais France-Brésil... Il y a les Argentins. Ouais. Maintenant, il y a 32 pays. Il y a 32 pays. Hein. Voilà, oui. Il y a 32 pays, il peut y avoir des surprises, mais je pense pas. Mais de manière, il faut bien... Kiwi. De toute manière, je vais te répondre après, David. Hein. Alors moi, je verrais bien la France en finale, s'il se rattrape là contre l'Uruguay. Mais par contre, je vois bien aussi l'Argentine, le Brésil, et aussi... Kiwi. Oui. Attends, qu'on se rattrape contre l'Argentine, ok. L'Uruguay. Contre l'Uruguay. Mm. Mais faut savoir. Oui. Parce que, attends, vas-y, réponds à la question, de toute manière, je vais Je disais donc que mon carré, ça serait France, Argentine, Brésil et peut-être Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les Anglais? Alors, les Anglais, ils ont fait match nul contre la Suède, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Ah, je sais pas, parce que, c'est pas... C'est bien non, ça, non, parce que moi, j'ai un truc New York-Sarcelle. Ouais, ah oui, c'est possible. Hein. New York-Sarcelle, à mon avis, ça me paraît. Mais si, Gérard, s'il joue New York et Sarcelle. Mais non, mais attends, c'est aussi Gérard, laisse discuter. Hey, ton micro, calme. J'avais une question Internet. J'ai une question de Michel Blanc. Internet. Il demande. Une question de Michel Blanc. Regarde, Gérard, regarde. Vas-y, pose la question. Question de Michel Blanc qui demande, est-ce que tu as déjà fait une partie de foot avec des Sénégalais? Voilà, il y a des questions cons. Voilà, bah je parle du foot, je parle du Sénégal. Voilà. C'est pas peine, donc, mais me crache pas dessus, me crache pas dessus. Bite de Mamadou. Gérard. Bite de Mamadou à la 35e minute. Oui. Moi je pense que c'est une question super intelligente qui mérite une réponse quand même. Bah, de manière, quoi? Est-ce que tu as déjà fait une partie de foot avec des Sénégalais? Non. C'est une super Pourquoi question. Bah non, parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer. C'est tout. Mais de manière des questions comme ça me suffit. T'as jamais voyagé souvent en fait? T'as jamais joué au foot, GG, quand t'étais jeune? Non. Ah ouais. Il jouait pas au coup. Voilà, ça continue. Mais c'est des réactions, c'est un débat. Non. Mais avec celui qui dit que l'autre là qui s'amuse à dire il jouait pas, pour ça toi, commence Gérard. À m'énerver. Pour toi, Gérard, qui est-ce qui va gagner cette coupe du monde? Qui c'est C'est Kiki Gonzalez. Non, mais attends, parce que laisse finir les gens. Ah d'accord. Flambi. Ouais, Flambi. Moi, je crois qu'une finale France-Brésil où on leur fait 3-0, il n'y en aura qu'une. Mmh. Une seule et unique. Donc, à mon avis, la France ne sera pas en finale. Et je suis même pas sûr que le Brésil le soit aussi. Donc, la place aux autres. Starlet, pour finir? Oui, ben moi, je suis à peu près d'accord avec Flambi. Hein. Moi, je vois bien la France contre le Sénégal en finale. Pourquoi pas, après tout. Bah ouais, mais... Donc, pas d'accord. Non, ça va pas? Bah, non, je pense pas, hein, à mon pourquoi avis. Pourquoi pas chez Argentin avec Diego Armando Maradona? Non, mais je pense pas une finale. Voilà, contre Danemark à la rigueur. Bah non, parce que c'est deux équipes qui jouent déjà dans notre groupe. Et pourquoi pas Croatie-Japon? Ou Brésil-Japon, ouais. Bah, non, mais moi je pense. Tout est probable. Alors le Sénégal contre la goutte d'or. Ou Chine-Costa Rica, allons-y. C'est qui? Kiwi. Attendez, Kiwi, tu m'avais posé quoi comme question, toi, tout à l'heure? Je voulais savoir, à ton avis, Gérard, quelle va être pour toi l'équipe qui va gagner cette Coupe du Monde en Corée? Ou au Japon, plutôt. Ah ouais, voilà, donc, déjà pour l'équipe de France, on va revenir là-dessus, parce que c'est vrai que maintenant, on est quand même mal placé avec l'Uruguay. Hein? Ouais. Donc, maintenant, c'est à nous de savoir jeudi. Bon, comme tous les médias disent... Ouais. Parce qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Absolument. Tout le monde dit que Zidane sera là jeudi. Non, apparemment, il a été sur la cuisse. Apparemment, si. Tout le monde le dit, même l'entraîneur a dit qu'il sera là jeudi. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'option tactique de Roger Lemaire de jouer avec trois milieux créatifs, Gérard? Non, mais c'est récupérateur. Si. Récupérateur, ouais. Non, mais c'est bien, mais si, sa tactique, elle est bonne. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, il a laissé des joueurs bons sur le banc de touche. Ouais, hein. Ouais, t'es plus adepte du 4-4-2, 4-3-3. Je pense qu'on les paye des millions et il reste sur le banc de touche. Je veux dire que j'ai une question, Gérard. Oui. J'ai regardé aujourd'hui Brésil-Turquie. J'aurais aimé savoir ce que tu penses des simulations de Rivaldo à la fin du match. Qui tombe par terre en faisant semblant d'avoir pris un ballon dans le visage. À partir de là, il doit avoir un carton rouge normalement. Attends. C'est David. David, oui. Ouais. Mais David, tu m'excuseras, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu regarder les matchs. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce que comme sur les radios, ils nous retransmettent pas tout ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc toi, d'après toi, il y aurait un joueur. Qu'on aurait pris le ballon en pleine figure. Bah en fait, non, il a pris le ballon dans la jambe. Ouais. Et après, il a pris sa tête en faisant semblant devant la bite de touche. Mmh. L'arbitre. L'arbitre. Oui, il y a un R. Il y a un R, pardon. À partir de là, il est tombé par terre. Et il a fait semblant d'avoir mal. Et le joueur qui lui a envoyé le ballon a pris un carton rouge. Ah ouais, donc c'est dans ce match-là que... C'est dans ce match-là qu'il y a eu un carton rouge et... Il y en a eu deux cartons rouges. Ouais, en fait, la question, c'était qu'est-ce que tu penses de ce genre de stimulation qui casse le jeu, quoi? Non, mais là, de toute manière, faut bien se dire une chose, que de toute manière, l'arbitre central sera obligé de revoir ce qui s'est passé sur un moniteur, donc sur un grand écran. Ouais. Et là, ils pourront prendre leur décision. Ouais, mais c'est pas encore ça, tu sais. Attendez, 5 minutes, tu mets les auditeurs en air, s'il te plaît. Oui, non. En air ou en attente? Je préviens une chose. Attends, je les mets en air ou en attente? En attente. Je préviens une chose, Esteban. T'es à côté de moi, tu arrêtes de me souffler dans la figure. Mais ils sont bons de la bouche. Pas dans la figure, ça va pas, non? Non, mais tu arrêtes parce que depuis tout à l'heure, j'ai que ça dans la figure, j'ai horreur de ça. Ah bon, c'est parce qu'on est sous l'aérateur, comme si j'allais souffler dans la figure. Il n'y a aucune aération ici, si, d'accord? Ça suffit comme ça. Bon, t'as lâché un prout. Bon, allez, on y va. T'as fait un petit prout. Donc, tiens, c'est prout. Ah, non, c'est pas moi, Gérard, je te promets. Question de Jean-Pierre. Bah, Jean-Pierre, attends, il y a une question internet. Attendez, il y a une question internet. Non, c'est un proverbe. Ah, un proverbe. Proverbe de Jean-Pierre. Attendez, voilà. Jean-Pierre, gros pompeur, qui dit on parle trop du mondial, trop c'est trop, la coupe du monde est pleine de foutre. N'importe quoi. Je vois pas du tout le rapport. De toute manière, on parle trop de la Coupe du Monde. De toute manière, c'est le sport le plus intéressant. Parce que dans ces cas-là, si on parle trop de la Coupe du Monde, pourquoi qu'on parle pas du tournoi de Roland Garros? Eh ben, on en parle! Allez, on y va! Alors, tu t'occupes de ton terrain. Allez, on change de sujet, on va voir Roland Garros. On y va? Gérard, t'as une dent qui pousse. Allez, on y va. Esteban, ça suffit. Allez, on y va. On y retourne avec les auditeurs. Donc, je trouve que Mathieu, il a eu vachement de mérite par rapport à Agassi, qui a joué un peu plus. Non, mais c'est bon. Mais il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé, il y en a plein la gueule, mais l'autre c'est trop bien. Attendez, on va se calmer, on parle plus de Roland Garros, on parle que de foot. Voilà, quoi, attendez, s'il vous plaît. On reste sur le foot, on va pas à Roland Garros, on reste uniquement sur le foot. D'accord, mais on chante pas non plus, ça va. Allez les bleus, on est tous avec vous. Voilà. Bon, Gérard, tu veux peut-être annoncer un disque? Je pense. On va peut-être passer un disque, vas-y, lire. Non, parce que de toute manière, j'ai pas fini de répondre à la question, donc je voudrais que... Allons-y, attends. C'est Flamby. Oui. Est-ce que tu pourrais me jeter en me traitant de salope, s'il te plaît? Non, merci, alors au revoir. On dit au revoir. Au revoir. Salope, ça lui fait plaisir. Non. Gérard, à partir de là, je voulais savoir ce que tu pensais de la nouvelle chanson de Johnny Hallyday. Mais justement, mais qui c'est qui... Ah, voilà. Alors, la question. Blabla. C'est là tout de suite. Qui a écrit les paroles de la chanson de la musique de l'équipe de France? On se retrouve tout de suite après et on s'écoute à la queue le 2 et 1, 2, 3 champions. A tout de suite au 0825-08-5000. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, on venait de s'écouter à la queue leu de 1, 2, 3 champions. Donc, toujours sur Pone Radio, suite et fin du débat. Donc, toujours au standard Esteban, sur le net Esteban. Donc, au www.poneradio.fr. Apparemment, on m'a dit qu'on était combien, Esteban, s'il te plaît? 4894. Donc, apparemment... 4894, c'est dommage quand même. Mais bon, on verra bien par la suite. Donc, toujours au standard pour vous accueillir au 0825-08-5000 et au 033-0825-08-5000 pour les Belges. Céline, toujours là. Oui, j'ai... Hervé. Merci de me répondre, Hervé. Ouais, je suis là. Bah, tu me vois. Et Pedro, toujours à l'arrière. Ouais, je suis là. Super. Et donc, on va faire un petit sondage avant de récupérer David. Toujours là, David 13 Grosse. 13 Grosse Call. Ouais, toujours là. Kiwi. Ouais, Kiki. Et Fabien Partouze. Bonsoir, Fabien Partouze, Yuko Anal, 117.7, bonsoir tout le monde. Et Starlet. Bonsoir. Et Starlet, je sais pas d'où. La fréquence, s'il te plaît. De Paris, 101.9, Gérard, bonsoir. Là, 112.9, ok. Gérard, il y a un de mes collègues qui te passe le bonjour, là, Hernan Crépu. Non, mais c'est bon, les bonjours, c'était avant les débats. Maintenant, pendant les débats, si, on va saluer quand même. On va saluer les routiers, puis c'est tout, et puis les chauffeurs de taxi, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent toute la nuit. Voilà. T'as dit quoi, les chauffeurs de taxi? Oui. Les chauffeurs de taxi, d'accord. Une question d'Hervé. Ah, chauffeur. Non, non, il y a aussi les policiers qui nous écoutent. Ouais, ben ça, si on saluait tout le monde, les ambulanciers, les flics et puis tout ça. Il y a des putes, il y a des putes. Moi, je connais des putes qui cartonnent chez les travelots. Ah, ouais, faire les putes. Top, top, top, top. On va faire les sondages. Trafic en drogue aussi. Alors. Les dentistes. Alors là. C'est là qui nous écoute, il peut venir. Non, non, non, attendez. Attendez, parce que là, il y a une question que je viens d'entendre. Des tueurs à gages. Non. Alors là, je préviens tout de suite que je ne veux pas entendre ni ça, ni la première, ni le premier truc. Non, mais ouais. C'est censuré, toi. Ouais, non, mais ah, ça n'a pas été censuré. Le boum boum, en fait, il existe encore? Bah oui, je l'ai mis tout à l'heure. Tu veux l'écouter? Tu veux l'écouter ou pas? Voilà, c'est sur notre bien, GG. Voilà. C'est bête parce qu'on aurait dû les mettre pour les 4. On l'a pas encore mis une seule fois. Hein. Si, on l'a mis une fois. On l'a mis une fois tout à l'heure. Non, non, non, on l'a pas mis. Si, je t'assure. Parce que tu sais pas t'en servir. Et puis tu t'es connu la tête. À quel poste aimeriez-vous jouer dans l'équipe de France? Alors, 91% pensent la place du bœuf. Donc, c'est pour faire concurrence à. À l'autre merde, là. Ouais, merci. C'est une merde, hein, le bœuf, faut le dire. Non, mais attends, tu restes poli, s'il te plaît. Ah mais non, non, non, petit, là... 70% à la place de Zidane, ça c'est vrai. 51% à la place de l'arrière-gauche droite de l'avant, je sais pas pourquoi. 32% à la place de Barthez pour niquer sa femme. Non, je crois pas, là. Hein. Elle est bonne, hein, ça m'a fait. Ouais, non, mais de toute manière, c'est un truc qui a été dit avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet lors d'un truc. Ah, mais ils ont tous des bonnes meufs, sauf Franck Leboeuf. Et à la place de Carombard. Ouais. Donc voilà, donc je vais continuer tant que j'y suis. Attends, toi, GG, est-ce que tu pourrais jouer pivot avec tes dents sur pivot, par exemple? Non. Non? Non, merci. C'est pas à votre avis, quel pays va gagner la Coupe du Monde? Alors, va gagner la coupe, la coupe du monde. Donc la République démocratie du Kosovo. C'est vrai. Attendez, ouais. Parce qu'il y a. Attendez. Mais... Ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes. Comment ils non, vont non, pour non, non, non, mais. Attends, il y a le début. Non, mais. Gérard, tu peux répondre à ma question, c'est David. Comment ils font pour jouer? Non mais attendez, ils ont été battus par les Espagnols 3 hein, déjà. Qu'est-ce que tu penses du Foyer Football Club, toi, GG? Est-ce que tu penses que c'est une bonne équipe, hein? Et le DAS Football Club? Alors là. Oh là, non, là, c'est là, c'est là. David passe? Et Fabien. Attends, au revoir. Alors là. Là, je préviens tout de suite. On est dans le sport là. Non, mais ce que je viens d'entendre, c'est négatif. Merci. Donc final à la ligne. On va reprendre deux nouveaux auditeurs. Donc il je s'énerve, vais Gérard. Il a les dents qui transpirent. Non, parce que là, ce que je viens d'entendre. Il est tombé par terre. Souffle, Sébastien, pour lui décoller les croûtes. Là. Kiwi. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas toi, je viens de t'entendre. Fais gaffe parce que tu risques de faire pareil. C'est Fabien, ça. Non, Fabien, il est parti. Il y a du au revoir. D'accord. Ok. Merci. Allez, Gérard, on y va. Gérard, vas-y. C'est pas un hémorroïde dentaire qui va te. Quel pays va gagner la coupe? Alors 80% pensent la République démocratique du Kosovo. 50% la Bolivie, de toute manière je ne sais même pas s'ils jouent eux. Si, si. 40% Turkmenistan. C'est une équipe de Turcs. Les Turcs, ouais. La Slovénie et la poudrière de Balkan. Des Balkans, donc je sais pas si ça existe ça. Alors quels sont les joueurs considérés comme les meilleurs? En 5 ans, 60% Sébastien Grosjean, ça c'est dans le tennis, ça n'a rien à voir dans le foot. 40% Jean Galpion, je sais pas dans quel sport qu'il joue. Sur la perche. 20% Richard Virenque, c'est du vélo. 10% allez-y. C'est la Formule 1. 5% Serge Blanco, c'est du rugby, ça n'a rien à voir avec le football. Donc on continue. Et quel est votre club préféré et pourquoi? Alors 80% Paris Saint-Germain pour l'humour sur le terrain. Ouais, ouais. Bah alors c'est des mauvais joueurs quand ils perdent. 50% Real de Madrid à cause du lâcher de Vachette. Pourquoi pas 20% Lens pour leur bonne bière. Bah, de toute manière, Starlet, elle peut parler parce qu'elle est du coin. C'est pas vrai. 10% Manchester pour le beau cul de Beckman. Et 5% le FC Bogota pour Saka. Mais voilà, terminé, les sondages sont terminés. C'est vrai qu'il se dope. Voilà, ben, de toute manière, sur le dopage, avec le cyclisme, on pourra en parler plus longuement, on pourra faire un débat là-dessus. Si on... Alors, merci pour ce qui est terni, et merci pour la triche. Tiens, c'est bizarre. Gérard, t'as un petit truc qui court dans ta tête. Céline. Gérard, t'en as deux, là. Oui, oh, t'as ton micro, merci. Ils accouplent. Ça va, Céline? Oui, Gérard. Tu crois pas que Javal s'amuse trop à vouloir participer dans les débats? Ah, mais il est bien, oui, Javal. Il est venu il y a deux semaines. Ouais, il est bien. Et en fait, Gérard, c'est un très bon auditeur, donc je me suis dit que ça serait sympa qu'il passe. Ouais, non, mais dans ce cas-là, c'est moi qui commande, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui essayent de nous joindre et qui n'arrivent pas à passer dans les débats. J'en ai marre de me faire engueuler. Parce que les gens ne passent pas à l'antenne. Donc si on s'amuse à reprendre les mêmes, s'il te plaît, c'est moi qui commande, si on s'amuse à reprendre les mêmes constamment, ce n'est pas la peine. Oui. Donc ça ne sert à rien que je me crève de derrière à redonner le numéro du standard. Alors Javal, encore une fois dans les débats. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Encore une fois. GG, il faut qu'ils insistent. Moi, j'appelle depuis l'émission de Dario, là. Non, mais si tu veux passer dans l'émission de Dario... Non, je t'ai dit que moi, j'ai commencé à appeler à l'émission de Dario. Non, mais de manière, c'est pas la peine de vous amuser à appeler avant. Vous êtes autorisé par les gâteaux prince de cul. Bon. Donc, la question, c'est, à votre avis... non. Non, celle-là, on l'a faite. Alors, seriez-vous prêt à soutenir l'équipe de votre choix? Ok, le mec. Bonsoir. Bon, alors, je peux vous dire une chose? Non, mais GG, là, t'as Max, comment... s'il te plaît, tu viens dans les studios, merci. C'est une pause KitKat, là. Non, mais c'est bon, allez-y, foutez-vous de ma gueule. Gérard, c'est qui? Non, mais c'est bon, voilà. Allez, hop. Gérard, c'est qui? Non. Que tu pourrais m'accueillir. Non, mais attends, mais ça va, c'est tranquille. On fait une pause KitKat, Max. Non, mais attends, mais c'est bon. On a fait une petite pause KitKat. C'est bon. Moi, c'est marqué dans le livre. Ouais. Vous croyez où, là? Moi, c'est marqué dans le contrat. On n'est pas chez Mémé, ici. Mets-moi une petite carte. On n'est pas chez Mémé. C'est le débat de Gérard, Non, mais c'est quoi, là? C'est les questions du Internet. Mais là, il est dégoûté. Attends, je peux le savoir? Vous mangez? Il a rien à bouffer, là, attends. Vous lui faites pas tu fais une chose. Attends, il tient la semaine avec Tu vas, tu fais une chose. Non, mais tu fais une chose, tu vas là-bas sur le net. Va les lire, c'est lui qui va les lire. Non, mais attends. C'est les questions du net. Moi, il est hors de question. On en est où? Donc, on est à 6782 sur le net. Allez les bleus, allez les bleus, on est tous ensemble. T'as une bête sur ton casque. Bon, Esteban, ça suffit, t'éteins ton micro, je veux plus t'entendre. Maintenant c'est terminé, et les auditeurs c'est pareil. Arrêtez de l'emmerder, attends, deux secondes, on les a coupés. Maintenant ça commence à bien faire. Allez, on y retourne. Le standard il appelle plus non plus. Non, mais de toute manière, ils reprennent le numéro. Au 0825-08-5000, mais de manière, ils prennent aucun appel. Ils prennent des habituels qu'ils ont dans leur répertoire. Mais non, c'est pas vrai, Gérard. Non, je suis désolé. Ça, c'est pas mes techniques. Non, je prends des gens qui sont gentils. Non, il a raison. En même temps, j'en prends au téléphone, alors appelez-moi. Pardon. Non, mais vous prenez personne, je vous vois depuis tout à l'heure, père. Depuis tout à l'heure, je vous vois, père. C'est quoi, ça? Mais arrêtez, depuis tout à l'heure, c'est quoi, c'est les numéros? Et alors, c'est des numéros, vous les rappelez même pas, les gens? Gérard, il en peut pou. À part Javal qui a participé, ça fait 15 jours, qui c'est qui a demandé de revenir, c'est toi? Il en peut pou, là. Bon, Esteban, ça suffit, s'il te plaît, te fous de moi. Mais c'est difficile avec deux filles, Gérard. Tu veux de la meuf? Starlet, t'es toujours là? Pardon. C'était moi, non, je l'avais coupé parce que c'est le bordel. Allô? Allô, Starlet? Elle est là ou c'est pas Starlet? Oui, je suis là, oui. Allez, vas-y, Gérard. Pedro, tu as s'il te plaît! Arrête de dire que c'est moi! Alors, c'est quoi la question, là? On peut y aller, là? Bon, Gérard, reprends le débat un peu. C'est parti, je m'endors, moi. Qui a écrit? Voilà. Qui a écrit les paroles de la chanson de l'équipe de France? On va demander à Javal. Bonjour, c'est Johnny. Il en peut plus. Allez, soyez sérieux, les auditeurs. De toute manière, dans moins d'un quart d'heure, ça va être terminé. Comme ça, le débat va être saccagé. Écoutez-moi bien une chose. Écoutez les auditeurs. Javal, s'il te plaît, tu t'écrases. Je préviens d'une chose. Dans un quart d'heure, le débat est clos. Le débat aura été saccagé ce soir. Et donc, il est hors de question que je continue à perdre des débats saccagés comme ça. Mais non. Une question de Mystery The One qui m'a été donnée. Est-ce que Gérard, tu aimes les Sénégalaises? C'est des questions cons, je ne réponds pas. Alors, celui qui est sur le net de l'autre côté, ne prend pas des questions comme ça. Terminé. Merci. Bravo Gérard. C'est énorme. Donc voilà, alors après... Alors une question d'Epsilon qui demande si Gérard tu aimes le foot, c'est parce que A, c'est des beaux joueurs qui courent en maillot, B, des joueurs sous la douche, ou C, respirer les maillots plein de transpiration. Bon, allez hop, c'est ça, tu vas me le chercher. C'est ton petit côté homo qui Non. Tu vas où, Gérard? Gérard. Rassieds-toi, tu vas tomber. Rassieds-toi, Gérard, tu vas tomber. Gérard. Tu vas tomber, Gérard, arrête. Oh, j'ai regardé les fesses, on voit ses fesses. Gérard. Oh, le petit cul. Le petit cul de GG. Oh là là, j'y mettrai bien. Gérard, je tiens à préciser que Pipo est venu exprès pour toi quand même. Parce qu'il nous manquait quelqu'un et il est venu que pour toi parce que normalement il est censé dormir. Parce qu'on tu devrais lui dire merci. Ouais. Non, mais de toute manière, je veux qu'il vienne et je vais voir pour les questions. Tu veux lui dire, dis-lui là, il écoute. Donc, je préviens tout de suite sur les questions du net. Pipo, s'il te plaît, si t'écoutes, merci. Ouais. Pipo. Tu me feras 20 pompes. Non, mais il est bête. Donc, les questions sur le net, c'est pas la peine de les poser n'importe comment. D'accord. Merci. Bon, on va retourner peut-être au débat. Donc alors, qui a écrit les paroles de la chanson de la musique de l'équipe de France? Javal, t'as dit Johnny? Oui, c'est Johnny. Qui oui? Ouais, moi je sais qui c'est Lara Fabian pour la musique. Mmh. Enfin, non, qu'est-ce que je raconterais? Catherine Lara. Catherine Lara, ça ressemble. Catherine Lara pour la musique. Ouais. Et c'est Johnny pour les paroles. D'ailleurs, ça sent bien. Ça sent pas. D'ailleurs, c'est bien de dénoncer le côté marketing de l'équipe de France, parce que je sais pas si t'es au courant, mais là on voit que de la pub pour l'équipe de France. Moi, que cet après-midi, là, je suis allé à Carrefour, j'ai acheté des yaourts avec Zizou dessus. C'est un petit peu abusé. Ouais. Et franchement, moi, j'ai une thèse. Je pense que si l'équipe de France a perdu son premier match, c'est qu'ils ont mangé des petits lus et bu trop de pétrolane, quoi, tu vois. Bah, kiwi. Ouais. Kiwi. Ouais, c'est ce que je vais te dire. C'est une thèse, hein, c'est une thèse. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est le côté marketing de l'équipe de France. Au revoir. On a une question d'un poil du chat qui demande qu'est-ce que c'est qu'une un ballon de foot avec du poil autour. Gérard. Bon, je donne pas la réponse, puis apparemment ça ne t'intéresse pas. Non, de toute manière, je réponds pas à des questions. Vas-y, donne, moi je veux te savoir, je vais la sortir. Une hémorroïde de Gérard, c'était une petite blagounette. Voilà, c'est même pas sur le net, d'accord. Mais si, c'est celle qu'on vient transmise. C'est toi qui viens de l'écrire, alors arrête. Et pour terminer, Starlet, pour finir. De toute manière, le débat, il va être vite clos ce soir. Oh non, merde. C'était bien parti. Alors, pour toi, qui a écrit les paroles de la musique de l'équipe de France? Pour la musique, Barbe Olivain, forcément. Hein, et puis, pour les paroles, Félix Gray. C'est qui? Donc, voilà, Félix Gray et Didier Barbe Olivain. Allez les bleus, allez, on est tous avec vous. Attends, Starlet, oui, t'es sûr que tu te trompes pas de musique? Non, mais pas du tout, c'est bien, tu parlais bien de Tous Ensemble, c'est ça, non? Interprété par Johnny Hallyday. La nouvelle chanson de l'équipe de France. Hein. Bah oui, c'est ça. Félix Gray et Didier Barbe Olivain, il est où le problème? Bah non, c'est pas Didier Barbe Olivain ni Félix Gray. Hein. C'est qui alors? Non, mais c'est aussi pourri en fait. Non, parce que je vais te dire une chose, c'est Catherine Lara pour les musiques. Ouais. C'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est faux. Tu pourrais m'accueillir, Gégé? Qui? J'aime bien quand tu m'accueilles, c'est Roger Lamerde. Non, c'est Jean-Pierre Bombin. Non, c'est Roger Lamerde, j'appelle de l'Evercussec, sans cesse. Salut Roger Lamerde. Salut Roger Lamerde. Ouais, je suis là depuis deux minutes. Attendez. J'étais là, regarde sur le banc, là. Salut Roger Lamerde. Bon, arrêtez deux secondes. Il y a moi aussi. Attendez, s'il vous plaît. Alors vas-y, qu'est-ce qui se passe, Gérard? Attends. Tu sais pas lire? Jean-Pierre, il remplace qui? Au standard, parce que faudra peut-être me le dire quand vous me donnez les fiches, il remplace qui? Mais Jean-Pierre, il remplace la personne que t'as virée, c'était Kiki. Kiwi, voilà. Ou je sais pas. Ah, ok. Bonsoir, Gérard. Donc, Jean-Pierre, et donc, alors, Roger. Roger Lamerde, entraîneur d'une équipe de tocards, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de l'Evercussec, 116.6. Merci, j'ai déjà donné les fréquences. Voilà, 116.6. Bonsoir Gérard, c'est JBB, Jean-Pierre Bombard. J'ai déjà donné les fréquences, je réponds à la question s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire une bobinade? Jean-Pierre Bombard, alors. Alors, une bobinade là. Moi Gérard, je connais les paroles de l'équipe de France par cœur, hein. Je tiens à préciser. Je t'ai pas demandé de la chanter, je t'ai demandé qui les a écrits. Alors c'est Johnny et c'est Catherine Lara pour la musique. Bravo. C'est bon là, Esteban, au standard sur le net, déjà tu peux presque rien. Alors on fait vivre bon. Ton émission de merde. Ouais, merci. Merde. Alors là, je vais te dire une chose. Attends, 5 minutes s'il te plaît. Alors là, je vais te dire, tu vois ce que tu viens de dire, Esteban. Une émission de merde. Et eh ben la semaine, dans les prochains débats, tu seras là. Tu ne seras plus là sur le net. Mais c'était pour rire. Non, mais c'est terminé. Allez, c'est terminé. Gérard, tu veux chanter un peu? Non, il est hors de question que je chante. Tu veux pas chanter, allez. Non. Allez, Gérard. Allez, les auditeurs, chantez. On est tous ensemble. Avec toi. Alors Jean-Pierre Bombard, Baptiste et Roger la merde. Au revoir. Comme ça vous apprendra d'être poli avec moi. Ah, on a fait une chanson pour toi exprès là. Mais ouais, Gérard. On va la chanter à la fin. Tous les deux. Chanter à la fin avec les auditeurs. Non, il y aura personne qui chantera parce que. Bah si. Ça Gérard, sera terminé. Pourquoi tu signes tes papiers une fois que les auditeurs sont partis? Il fait une croix à chaque fois. Il fait une croix pour signer, Gérard. Il fait une croix pour signer. Ah là, c'est un basketteur né. Vas-y. Donc alors, que pensez-vous du match de l'équipe de France? On en revient. Donc, Jamal. Donc moi je pense que la France a fait un bon match. Franck Lebeu a bien joué. Et tu vas bien. Quoi? Tu vas bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Ton accent... Oh là là, punaise. Lui, il appelle de Paris, mais alors je pense qu'il est à moitié tombé, celui-là. Je pense qu'à mon avis, t'as dû trop avaler, toi. Dans ton cul. Merci, au revoir. Il y a une question d'un amateur qui demande si tu es prognate du foot ou pas. Non. Tu es pas prognate. Okay. Et Starlet, pour finir? Oui, écoute, moi je pense que les Français ont pas mal joué, ils ont tout donné, avec une bonne participation de Zidane. Je pense que... ils ont bien joué tous ensemble, quoi. Bah oui, mais malheureusement, bon, c'est vrai, on en revient toujours, on en revient là. Ouais. C'est que Zidane, bon, tout le monde dit Zidane. Ouais. Mais de manière Zidane, faut bien se dire une chose, que le Zidane sera, faudra bien qu'il soit remplaçable un jour. Parce que le jour, oui, Starlet. Mais pourquoi il doit être remplacé? Il a un souci en ce moment ou... De toute manière, il faudra bien qu'un jour il se fasse remplacer par quelqu'un d'autre. Il est remplaçable. Ouais, mais... Mais je trouve qu'il a bien joué, hein. Je trouve que sur le terrain, il a pas mal donné pour l'équipe, quoi. Okay. Il a bien mené le jeu et je pense que c'était pas mal. C'est intolérable. Attends, Starlet. Oui. Alors, oui, je préviens Pedro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous arrêtez de perdre. De toute manière, c'est simple. Ouais, on finit à 3h du mat, donc on a encore 1h08 ensemble, donc arrêtez de faire chier. Gérard, on va sortir, après on va aller au Queen. Non, mais on te ramène à la maison. Oui, Starlet. Un petit doigt dans le cul. J'ai une question par rapport à Sandy, est-ce que je peux la poser ou pas? Oui, il y a un nouveau jeu qui est sorti, Sandy Nozor. On demandait simplement si tu avais déjà joué au foot avec Sandy. Merci, au revoir. Mais non, Gérard. Merci, au revoir. Il y a plein de Sandy en France. Reviens, Gérard. Gérard, reviens, t'as la conclusion à faire. Lève les bras. Gérard. Allez, attention, on va dire. Allez, Gérard, reviens. Allez, Gérard. On est tous avec toi. Allez, Gérard. On est tous avec toi. Allez, Gérard. On est tous avec toi. Allez, Gérard. On est tous avec toi. Allez Gérard, on est tous avec toi. Allez, viens chanter, Gérard. On est tous avec toi. Allez, on arrête. Le débat est clos et c'est tout. Mais allô, Gérard. Terminé, Gérard. Le débat est clos. Le débat est clos. Mais Gérard, t'auras pas tes tickets resto à la fin. C'est dommage. Oui, Gérard. Roselyne Gogocho. Gérard, est-ce que je peux faire un point sur le net? Attention, là je viens d'entendre. Roselyne Gogocho, au revoir. Ah ben non. Oh non. Un point sur le net. Un point sur le net. Est-ce que je peux me permettre de faire un point sur le net? Gérard, terminé pour lui. Est-ce que je peux me permettre de faire un point sur le net? Après m'excuser d'avoir posé une question sur Sandy. Vas-y. On est 8996. Ah, quand même, bravo. Oh, oh. T'es champion, Gérard. Combien? 8997. Il y en a un de plus par rapport à tout à l'heure. Alors, si vous voulez qu'on continue le débat, on met un disque et c'est tout. De toute manière, on va faire la conclusion, alors. Question, mais là... Non mais ça va tous les deux, je vous gêne pas? Non ça va, tu me déranges pas trop. Si tu pouvais parler moins fort, ça serait mieux. Non mais ça va. Ouais, tranquille le chat, ouais, ça va bien. Si on pouvait sponsoriser l'émission par Wizard. Voilà. Allez Gérard, continue. 36-15 en 100. Et ça pas magique au caca. Donc la question. Ouais. Alors que pense... Ah bah voilà, bah, alors on attendez. Pastis, t'es toujours là? Bonsoir, c'est Pastis Touta, je suis nouveau. Bonsoir Pastis. Donc, Javal. Oui, je suis là, oui, Gérard, je t'écoute. Et Eric Cantonner, sur Internet. Oui, bonsoir Gérard, c'est Eric Cantonner, l'homologue coréen de Eric Cantona. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et Starlet, toujours là? Toujours Gérard. Donc la question, que pensez-vous de la blessure de Zidane? Bonne question. Alors, on va demander à Pastis. Pastis Touta, bah écoute, moi je fais un petit peu de radiologie en amateur quand même. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu les radios de la cuisse de Zizou et c'est moche. Hein. C'est moche ce qu'on opérait. Alors je sais pas si c'est les Coréens pendant le match ou si c'est les marabouts sénégalais, mais sur la radio ça avait pas une bonne tête. Hein. Je sais pas si t'as vu les images. Non, t'as pas la télé, c'est vrai. Non, mais même, faut bien vous dire une chose, ouais. Que ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Attends, on n'en sait rien, Gérard. Il a été blessé. Il s'est blessé. Ils disent. Est-ce que t'as vu la blessure, toi? Est-ce que t'as vu ça a été mis dans les journaux. Oui, mais est-ce que t'as vu la blessure s'occulter visuellement, toi, de ton propre œil? Mais de manière, faut bien. Attends, laisse finir les. Non, mais je voudrais savoir. Mais sa blessure, de manière, c'est quoi? C'est qu'il l'a pas exprès, il avait pas envie de jouer le premier match, et c'est tout. Parce qu'en fin de compte, c'était rien du tout. Regarde, pourquoi qu'il s'entraîne tout seul, pas avec ses collègues. Attends, je t'entends, parce que c'est vrai que toi, longtemps, t'as été diminué de la jambe, quand même, un petit peu comme Zizou, en fait. T'as un point commun avec Zizou, en fait. Non, mais moi, de manière, j'arrive quand même à marcher, ouais. Mais c'est vrai qu'avec le changement de temps, c'est autre chose. Mais lui, il fait exprès. Parce que de toute manière, les médecins, ils n'étaient pas chauds de le faire jouer. Attends, toi, ce que tu sous-entends, c'est que toi, tu pourrais jouer un match de Coupe du Monde avec ta patte folle. C'est ça que t'es en train de dire. Avec sa jambe en acier. Est-ce que tu crois qu'on peut jouer 90 tungsten, minutes c'est du tungstène. Avec une patte en titane, toi. Est-ce que tu crois que c'est possible? Un match de Coupe du Monde, parce qu'en championnat... N'importe quoi. Eric. En championnat, tu pourrais, mais en Coupe du Monde... Oui, c'est Eric. Zidane, il attend plus de ta prothèse. Oui, Gérard, c'est Eric. Donc, moi, je vais te dire qu'en fait, Zidane, je pense que s'il est blessé, c'est parce qu'il a une grosse, grosse saison dans son club. Ouais. Et qu'il est très, très fatigué. C'est pour ça qu'il n'a pas pu assurer le match contre la Corée, ni contre le Sénégal, et sûrement pas contre l'Uruguay. Ouais. Non, attends, il a joué en match amical contre la Corée. Il a été blessé. Voilà où il a été blessé, et malheureusement, je pense que c'est à cause de sa grosse, grosse saison. Attendez 5 minutes, Javal. Ouais, donc moi, la blessure de Zidane, c'est inadmissible, intolérable. Et il a fait exprès, c'est clair. Le ballon d'or mystère de cette année... Non, franchement, c'est pas cool, quoi. Ouais, GG, toi, est-ce que... Attends, tu permets? Oui, vas-y, je t'en prie. Il reste encore une personne à répondre, Starlet. Ah oui, elle est tellement discrète. Oh, ça suffit, là! Oui, chute. Oui, bien. Je vais pas me faire engueuler tout le débat, j'ai rien fait, je suis en train de me concentrer sur ton débat. Ouais, j'ai pas dit la suite. Ça, t'es pas de merde. Oh là c'est là pas là. Moi. Alors là, c'est pas moi. Alors. C'est pas malin. J'encule ton cul! Starlet, on t'écoute. Hein. Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion de... Gérard, t'es dedans. Vas-y, Starlet, ouais. Oui, hein, je disais que j'avais pas eu l'occasion de me pencher sur le cuisseau de Zizou. Mm-hmm. Ça aurait été avec plaisir de l'ausculter, de lui faire un bon petit massage au Zizou. Et voilà, quoi. Voilà ma réponse. D'accord. Ouais, j'ai même lui faire un petit massage quand même. Hein. À qui? Bah, à Zidane, hein. Il le mérite. Hein. Ah d'accord. Il y a la cuisine à faire, moi j'adore. Ah ok, ok. Ouais, GG. C'est vrai qu'il est pas mal gaulé quand même. Merci, merci Starlet. Moi je l'adore, il me rend toute nerveuse. Ah oui, merci. Il est grand, il est fort, il est présent, j'adore. Merci Starlet. Moi j'adore Zidane, franchement je le trouve super beau et il m'émeut quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas joué d'ailleurs le premier match, j'aurais bien voulu voir sur le terrain. Je le trouve fantastique et très très excitant d'ailleurs. D'accord, merci Starlet. J'ai pas fini encore. T'as pas fini? Et en plus, il y a de beaux yeux bleus, quoi. Bon, Gérard, je crois qu'il y a une question internet, là. Gérard, j'ai une question internet, mais j'entends mal. C'est le problème. Enfin, hyper mal. Il va taper quelqu'un. Oui, bonsoir. Oh là là, il t'a cassé la souris du PC, arrête. Allez. Oh là là. C'est un combat d'animal. Allez, Gérard, on va peut-être conclure là parce qu'il est presque 2 heures. Là, t'as 8 secondes pour conclure. Ah, Evan. La feignasse de la semaine. Donc, moi, ce que je voulais dire, la blessure de Zidane, malheureusement, dans le cul. Merci. Non mais c'est vrai, dans le cul la blessure de Zidane. Non mais même, de toute manière, il s'est blessé lors du match amical pendant la Corée. Oui, il a fait exprès. Je pense que la deuxième étoile, on va bien se la foutre dans le cul aussi. Ouais. C'est Oh, c'est clair. De manière, faut bien vous dire une chose, que là pour l'instant, c'est que le début, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on arrive à passer lors des deux prochains matchs. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il sera là qu'on va gagner, parce que faut bien vous dire une chose, que le Danemark a battu l'Uruguay. C'est des chauds. Et donc, nous, c'est pareil. Si on, de toute manière, maintenant, les sondages ont dit que là, on est obligé de gagner nos deux prochains matchs. Ah, mais tu sais, les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Non, mais même, on est obligé de gagner contre l'Uruguay, contre le Paraguay, si on veut faire le deuxième tour. Parce que sinon. Attends, toi Gégé, tu traînes un peu chez les bookmakers. Est-ce que t'as parié de l'argent un petit peu ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Parce que moi, je vais te dire une chose. Ouais. Que même si on gagne ou qu'on perde, de manière, je m'en fous, je n'irai pas faire la java ça s'est passé quand ils ont gagné en 98. Tu n'iras pas sur les Champs-Élysées, toi? Non, mais c'est vrai, Gérard, que tu sens le bookmaker. Bon, écrase-toi. Des montagnes, hein, quand même. Ça suffit maintenant. Le débat est clos. On n'a même pas fait, s'il vous plaît. C'est tous les 4 ans, on n'a pas l'occasion. Bon, Gérard, le débat est clos. De toute manière, je veux dire, non. Gérard, on va conclure. Hein. Le sondage, non, de toute manière, il n'y aura pas de. On refera le débat. Dans 4 ans, on le refera. Non, mais c'est même pas dit que je repasse un débat sur la Coupe du Monde d'ici 4 ans. Parce que d'ici 4 ans. Je ne sais pas ce que je serai, je ne sais pas où que je serai. Bah, c'est clair, d'accord. Voilà, terminé, point final. Dans un bistrot. T'as peut-être changé. C'est pas moi qui dis dans un bistrot. Menteur, c'est toi. C'est toi, va des rétros. Sur un brancard. Voilà, et ça continue. Allez. Sur une plaque de verglas. Et voilà, on continue. Vous voyez, il ne tirait pas les pédales. Merci, Pedro. De rien. Il ne frappait jamais les corners. Il ne voulait pas tirer les coups francs. Allez, bon, allez, manière, c'est ça. Gérard, pour conclure. Débat clos. Jamal. Allez, Jamal. Aval pour conclure. Conclusion. Staban, ça suffit. Et maintenant. On peut continuer un peu, là. Non, c'est terminé le débat. Tous les 4 ans, GG, putain. Le débat est clos. Justement, on attend, là. Et si dans 4 ans, t'es pas là, comment on fera pour faire un débat? C'est simple, c'est même pas dit que je revienne faire des débats. Terminé. Et bientôt ton anniversaire. Terminé. Gérard. Comment t'as fait pour glisser sur ta plaque de verglas? Allez hop, au revoir, merci, bonsoir à tous. Vous allez retrouver Evan pour la nuit sans pub. Vous allez retrouver Evan pour la nuit sans pub. Et moi je vous dis à très bientôt sur Fun Radio. Attends Gérard, on va peut-être conclure. Alors, on a un hommage à faire, attention. 1, 2, 3. Allez, faut peut-être y aller un moment. On commence alors. Allez Gérard. Allez Gérard, on va boire ensemble. Allez le rouge, on a des litrons. Allez Gérard, on va boire ensemble. Allez le rouge, on a des litrons. Jacouille avec nous. Bah bon, on dit dans une semaine ou je sais pas quand avec Gérard. Et puis là après c'est 0825 085000 pour appeler, passer des messages. Ciao. prévenir tout de suite les auditeurs de Fun Radio que toute l'équipe de ce soir est virée.